بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ثم أما بعد، فخيرنا الله عز وجل، يسرنا الله سبحانه وتعالى. سي نوتخ نافيام السيز لافون ديرنييغ dans Citris, dans l'étude du Citrisala, l'éclaircissement sur les lacunes et les failles qu'il y a dans la nasiha du Cheikh Ibrahim al-Ruhayli. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قال الدكتور إبراهيم في الصفحة 36-38 ويقول رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدا مخطئا في المسائل الأصولية ولا في الفرعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. انتهى كلامه رحمه الله، مجموع الفتاوى الصفحة 19 إلى المجلد 19 الصفحة 207. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى دون سيتي دي بارول دو دكتور إبراهيم الرحيلي à la page qui sont à la page 36-38 entre la page 36 et 38 de sa nasiha. Il dit, rahimahullah, c'est-à-dire, il cite les paroles du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, qui dit, ça c'est la parole, c'est-à-dire la parole du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, dit ceci, ça c'est la parole des salaf, et des imams du verdict, de la fatwa, comme Abi Hanifa, Shafi'i, Thawri, Daoud ibn Ali et d'autres. Et ils ne disent pas que le mujtahid, qui est digne de l'effort de l'interprétation, est dans le péché, qu'il soit, que ce digne de l'effort d'interprétation est une erreur dans les sujets qui concernent les fondements ou les sujets qui concernent les détails, les branches, comme l'a cité de Ibn Hazm et d'autres. Ils ont dit, ça, c'est la parole qui est connue des nobles compagnons, de leurs successeurs, qui les ont suivis à la perfection, et des imams de la religion, comme quoi ils ne rendent pas mécréants, ni ils ne rendent de pervers, ni ils disent que celui-là, il est dans le péché, quelqu'un parmi ceux qui sont dans l'effort, qui sont dignes de l'effort, de l'interprétation, qui sont tombés dans des erreurs, que ce soit dans les sujets scientifiques ou dans les sujets qui concernent les œuvres. Ici, les sujets scientifiques concernent tout ce qui a rapport avec les fondements de la religion, l'aqida et autres. Et les œuvres concernent tout ce que nous faisons comme œuvre dans cette religion. Et ils ont dit, et la différence entre les sujets qui sont les branches et les fondements, ils ont dit, c'est-à-dire salaf ont dit que la différence entre le fait de faire la différence entre les sujets qu'on appelle les branches et les fondements, ceci c'est la parole des gens de l'innovation parmi les gens de la spéculation de la parole, et le Mu'tazila ainsi que le Jahmiya et ceux qui ont suivi leur chemin. Ceci est tiré du recueil du Fatawa dans le tome 19 à la page 207. Mais il y a un commentaire de ces paroles à Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala. Il dit en bas de la page, à la page 65 de sa réplique, il dit, Cheikh l'Islam a dit ces paroles alors qu'il comptait, qu'il citait les divergences qu'il y a entre les différents groupes, comme quoi les différents groupes ne rendent pas mécréants ni font rentrer dans le péché. شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام تيمية هذا الكلام خلال حكايته الاختلاف الطوائف فيما يكفر ويؤتم. Il dit que شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه a dit cette parole quand il a cité les divergences des groupes dans les choses qu'ils vont faire, qui vont rendre mécréants, qui vont faire tomber dans le péché. يقول ولما وصل إلى هنا كنت لتغيبه أسا إلى دي قال وأما غير هؤلاء فيقول هذا قول السلف وإمة الفتوى إلى آخره. Il dit quand il arrivait à ceci, c'est-à-dire au passage cité par Cheikh Rouhaili, il dit compte à d'autres que ceux-là, c'est-à-dire que les différents groupes là compte à d'autres que ceux-là. Ils ont dit ça, c'est la parole du salaf et des imams de la fatwa et l'akhiré. Fasakata ala doktor, qawl shaykh l'islam, wa amma ghayra ula. Ils disent, et il est tombé, dans la citation du docteur Ibrahim Rouhaili, la parole du shaykh l'islam, Ibn Taymiyyah qui a dit, et d'autres que ceux-là. Et donc, fasara zahiru hadha al-kalam, kannahu li shaykh l'islam. Il dit, il a, et comme ça, comme il l'a cité, docteur Ibrahim Rouhaili, c'est devenu comme c'est l'apparence. Ce qu'il a cité Cheikh Rouhaili, comme c'est, ça fait apparaître ses paroles comme quoi ils sont de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَدَالِكِ Et Cheikh Rabi' lui dit, la situation n'est pas ainsi. يَقُولُ وَإِنَّمَا قَوْلٌ حَكَاوَ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ كَمَا حَكَاقُوا الْآخَرِينَ Mais il dit, mais la situation n'est pas ainsi, car ce ne sont que des paroles que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a citées, comme il a cité d'autres paroles d'autres gens. يقول وقد يكون حاصل هذا الكلام صحيحا في الجملة لكن نسبته إلى الصحابة والتابعين يحتاج إلى بحث. Il dit peut-être que ces paroles citées ici seront dans l'ensemble vraies et justes, mais le fait de l'attribuer aux compagnons et à leurs successeurs, ceci a besoin d'une recherche. يقول والكلام ليس هو لشيخ الإسلام وإنما حكاه عن طائفة. Il dit les paroles ici citées ne sont pas Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, mais tout simplement il les cite de certains groupes. يقول والكلام لا جال لي الدكتور الرحيلي وتقرير هذا لا يعني عدم مناصحة العالم إذا أخطأ بل مناصحته واجبة على من علم خطأه وهذا من البر به والإحسان إليه لكن تكون المناصحة برفق ولين وأسلوب يتناسب مع قدره في العلم وفضل. Et il nous cite encore les paroles de Ibrahim Rouhaili. Il dit ici ceci est confirmé, c'est-à-dire ce qu'il a cité comme parole qu'il a attribuée à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, ceci, s'il est confirmé, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas conseiller l'homme de science qui est tombé dans l'erreur. Et c'est toujours les paroles de Ibrahim Rouhaili. Mais il est obligatoire de le conseiller, de conseiller l'homme de science de qui on sait qu'il est tombé dans une erreur. Et ça fait partie du fait d'être bon avec lui et d'être dévoué pour lui. Mais il dit, le conseil doit se faire avec doigté, avec douceur, et utiliser l'expression et le style qui convient à sa place dans la science et dans les vertus. Et يقول والكلام لا زال للشيخ إبراهيم الرحيلي ثم إن رجع عن الخطأ وصوبه فيقبل منه رجوعه ولا يجوز بعد ذلك أن يتكلم فيه ولا أن يلام على خطأه ولا أن يشكك في صدق رجوعه وإن لم يرجع عن الخطأ لتأويل أو شبهة حالت بينه وبين معرفة الحق فينظر في الخطأ فإن كان مقتصرا عليه فقد برئت الذمة بمناصحته في نفسه وإن كان منتشرا نبه الناس على هذا الخطأ وحذروا منه مع حفظ مقام ذلك العالم. Il dit, hafidhahullahu ta'ala, ici, c'est toujours les paroles à Ibrahim Rouhaili, que Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente vers la voie du pieux prédécesseur d'Allah alayhim, et que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve dans cette voie. Il dit, ici, l'homme de science est revenu de son erreur, et il a rectifié, il faut accepter son retour, il n'est plus permis de parler sur lui, ni de le dénigrer, ni de le blâmer pour son erreur, ni d'avoir des doutes sur la véracité de son retour. Et s'il revient de son erreur pour une interprétation qu'il se donnait ou pour une ambiguïté qui a fait qui a été une barrière entre lui et le fait de une fausse interprétation, une ambiguïté qui a été une barrière entre lui et le fait de connaître la vérité. Et dans ces cas-là, il faut regarder l'erreur. Si l'erreur il ne concerne que l'homme de science et ne passe pas aux autres, donc en ayant compris le conseil, ben la responsabilité a été accomplie. Et si l'erreur il est propagée, on doit attirer l'attention sur cette erreur, on doit avertir les gens de cette erreur, tout en préservant la valeur de cet homme de science et sa place et ses honneurs. Maintenant, avec la critique de Cheikh et l'analyse de Cheikh Rabi Hafidhahullah. Akhoul, inna qawla Cheikh l'Islam, والفرق بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من أخوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزل والجهمية ومن سلك سبيلهم. يقصد شيخ الإسلام بدم هذا التفريق هو تفريقهم في التضليل والتكفير بمسائل الأصول دون مسائل الفروع. Et Cheikh Rabih de nous détailler, de dire, quant à Cheikh l'Islam, dans les paroles citées ici par Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, dit, quant à la parole de Cheikh l'Islam, dit, quand il a dit la différence qu'il y a entre les sujets des détails et les fondements, ceci c'est une parole des gens de l'innovation parmi les Mu'tazila, les Jahmites et ceux qui ont suivi leur chemin, dit que Cheikh l'Islam veut dire avec ça que ce qui est blâmé dans cette division, c'est le fait qu'il fasse la division entre eux, le fait de rendre égaré ou de rendre mécréant avec tout simplement les sujets qui concernent les fondements, sans les sujets qui concernent les branches. Voilà le point du blâme de cette division. C'est-à-dire, cette division est blâmée tout simplement parce que ces innovateurs et ceux qui suivent leur passion font la différence. Ils rendent mécréants et égarés ceux qui se trompent dans les fondements. Et ils ne le font pas pour ceux qui se trompent dans les détails. يقول وقد بين رحمه الله أن من مسائل الفروع ما يكفر به ومن مسائل الأصول ما لا يكفر به وذلك والله أعلم راجع في الموضعين إلى الظهور والخفاء في المسائل فيكفر بأنكار الأمور الواضحة من الأصول والفروع ويعذر المخطئ في الأمور الخفية من الأصول والفروع. Écoute bien ceci. Cheikh Rabih de nous citer, il nous dit que Cheikh l'Islam de Taymiyyah rahmatullah a donné des éclaircissements concernant les sujets qui concernent, que certains sujets concernant les branches, il y a parmi les sujets concernant les branches qui rendent de mécréants. Et parmi les sujets qui concernent les fondements ne rendent pas mécréants. Et selon Allah subhanahu wa ta'ala sait, il dit tout cela revient à deux points. Le fait que les choses sont le fait de l'apparition des choses, que les choses soient claires ou que le fait que les choses soient subtiles et très fines. Il dit, et il est rendu du mécréant celui qui ne reconnaît pas l'obligation de certaines choses qui sont obligatoires et qui rejette certaines choses parmi les fondements et certaines obligations et certaines choses obligatoires parmi les branches. Yaqul, et il est excusé, celui qui tombe dans l'erreur concernant certains sujets subtils parmi les fondements et parmi les détails. Voici le détail du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. L'amr al-thani yaqul al-Cheikh Rabi' أما التفريق بين مسائل الأصول والفروع من حيث إن هذه المسائل إذا كانت من مسائل الاعتقاد فهي عنده من مسائل العلوم الأصول العلمية، وإن كانت هذه المسائل من مسائل الفروع كالوضوء والصلاة والحج وغيرها من المسائل العملية، فشيخ الإسلام يرى هذا التفريق، وذلك كثير جدا في مؤلفاته وعلماء المذاهب على هذا التفريق. دوزيام الشيخ ربيع نودي que le fait de faire la séparation entre les sujets concernant les fondements et les branches, l'usul ou al-furu', du moment que ça concerne les sujets, si ça concerne, il dit cette division, oui, il existe. Donc, quand ça concerne les sujets des fondements, chez Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ça fait partie des... quand ça concerne les croyants, ça fait partie de chez Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, des fondements qu'on appelle les fondements scientifiques. Ce qui a rapport avec l'aqidah, les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Et si ça fait partie des sujets qu'on appelle le furu', les branches, comme le wudu, le salat, le hajj, donc, les actes, donc ça fait partie des sujets qu'on appelle les sujets œuvres, qui concernent les œuvres. Et donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah voit cette division, comme il est dans beaucoup de ses livres, rahimahullah, ainsi que les hommes de science des différentes écoles de jurisprudence, ils sont sur cette division des choses. يقول ولهذا يسمون المسائل الفقهية العملية بالفروع ولهم فيها مؤلفات تسمى بكتب الفروع ويطلقون على مسائل العقائد والمؤلفات فيها بمسائل الأصول وكتب الأصول. Il dit c'est pour ça que ces hommes de science de différentes écoles de jurisprudence, ils appellent les sujets concernant la jurisprudence qui ont rapport avec les actes la prière, le jeûne et ainsi de suite. Ils appellent ça les branches, furu'. Ils ont des livres qui s'appellent les livres d'al-furu', c'est-à-dire les livres des branches. Et ils donnent le nom au sujet et au sujet concernant les croyances. Ils leur donnent le nom et les désignent comme quoi ce sont les sujets des fondements, les livres des fondements et ainsi de suite. Donc c'est une division qui, sur laquelle il est les pieux prédécesseurs. Il faut que tu comprennes ce que blâme Cheikh l'Islam de Taïmia, ce sont comment ces égarés, hein, ces égarés font la différence entre ce qui va rendre égaré et ce qu'a rendre mécréant. Et que, tout simplement, pour l'erreur dans les fondements, c'est elle qui va rendre égaré. Et mécréant sont les sujets concernant le furu'. Voilà le blâme du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. يقول الشيخ ثالثا بالنسبة للتفريق بين ما يعذر فيه المجتهد بالتأويل وغيره وما لا يعذر فيه يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القرواني في كتابه الجامع ومن قول أهل السنة أنه لا يعذر من وداه اجتهاده إلى بدعة لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم عليه السلام مارقين من الدين وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ. Regarde, et maintenant, Cheikh, il dit troisièmement, par rapport au fait de faire la séparation avec ce qui va, avec les actes avec lesquels va être pardonné celui qui est digne de l'effort de l'interprétation, et les choses dans lesquelles il ne va pas être pardonné, il dit, l'imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qarawani, l'un des grands imams d'Yal Malik, qui est un grand salafi, dans son livre Le Jami', il dit, fait partie des paroles des gens de la Sunna, que celui dont l'effort d'interprétation l'a amené à l'innovation n'est pas excusé. Il dit pourquoi? Parce que le Khawarij, ils ont fait un effort d'interprétation. Et dans leur effort de fausse interprétation, ils n'ont pas été excusés, car avec ces fausses interprétations, ils ont pris une autre voie que la voie des compagnons radouanallah alayhim, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés mariqina min ad-din, des gens qui sont sortis de la religion. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait que celui qui est digne de l'effort d'interprétation, et qui a émis des efforts d'interprétation dans les lois, c'est-à-dire dans le furu', dans ce qu'ils appellent les branches, il a une récompense, et s'il est tombé dans l'erreur, il aura une seule récompense. Et s'il a vu juste, il aura deux récompenses. يقول الشيخ ربيع فهذا الإمام ينسب هذا التفريق بين الأصول والأحكام الفروع إلى أهل السنة كما ترى ففرقوا بين الاجتهادين بناء على أن دم الخوارج كان بسبب انحرافهم في أصل من الأصول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمهم ولم يعذرهم. Il dit, hafidhahullah ta'ala, Cheikh Rabi'a. Regarde cet imam, c'est-à-dire Abi Zayd al-Qalawani, rahimahullah ta'ala, attribue cette division entre les fondements et les lois, c'est-à-dire les branches, aux gens de la Sunna, comme tu le vois. Et ils ont fait la séparation entre les deux interprétations, l'interprétation qu'il y a concernant les lois et l'interprétation qu'il y a concernant les fondements. Vu que le blâme que subissent le Khawarij, qu'ont subi le Khawarij, il est à cause de leur déviance dans l'un des fondements. C'est pour ça, parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il les a blâmés, il ne les a pas excusés. يقول ولم يذم رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتهدين المخطئين في الأحكام والفروع أي الفروع بل أثبت للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا فقال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. Il dit, le Rasoul صلى الله عليه وسلم n'a pas blâmé les dignes de l'effort d'interprétation que tu tombes dans une erreur dans les branches, c'est-à-dire dans les lois. Il dit, le Rasoul صلى الله عليه وسلم a confirmé à celui qui a vu juste dans son effort d'interprétation deux récompenses. Et celui qui est tombé dans l'erreur, il lui a confirmé une seule récompense. Et il a dit dans le hadith, rapporté par l'imam Bukhari, quand le hakim juge, il émet son effort d'interprétation, s'il tombe juste, il aura des récompenses. Mais s'il a faux, ben il aura une seule récompense. Et c'est ça, bien sûr, le hakim, l'alim, le juge, et ainsi de suite. Mais il faut qu'il soit digne de l'effort d'interprétation. Hein? Pas les ministres comme nous, et on va dire ils sont, hein, ils ont fait un effort d'interprétation. Les ministres comme nous, quand ils font un effort d'interprétation, même s'ils sont, ils ont juste, eh ben ils auront le châtiment parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas de leur ressort. Naamahi. يقول الشيخ ربيع حفظه الله وعمل السلف يؤيد ما نقله هذا الإمام فتراهم يضللون وبدعون وقد يكفرون المخالفين في الأصول ولو في أصل واحد كالقول بخلق القرآن وإنكار علو الله واستوائه على عرشه وإنكار عذاب القبر والصراط والميزان يوم القيامة بخلاف الأحكام فلا يبدعون المخطئ فيها ولو كتلت أخطاؤه إيه L'œuvre, Cheikh Rabi' de nous dire, l'œuvre des pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum, donne, renfort, et renforce ce qu'a rapporté cet imam, c'est-à-dire Abi Zayd al-Qalawani. Et tu vois les pieux prédécesseurs, ils rendent égarés, innovateurs, et peut-être qu'ils vont rendre mécréants ceux qui sont en divergence avec, dans les fondements, même si c'est un seul fondement. Pas, ils attendent pas qu'ils soient dans tous les fondements. Là, un seul fondement. Mais le fait qu'ils disent que le Coran est créé, ou le fait de ne pas reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus du tout, au-dessus de son trône, et le fait de ne pas reconnaître, hein, et de rejeter comme quoi il y a le châtiment de la tombe, ou le passage sur Sirat, ou la balance, le mizan, la balance le jour de la résurrection. Et tout ceci contrairement aux lois, au contrairement aux détails, aux branches. Ils ne rendent pas innovateur celui qui est tombé dans l'erreur, même si ces erreurs sont nombreuses dans les branches. Tu vois, la voie du salaf comment il est? Dans un des fondements, ils vont rendre innovateur concernant les fondements. Il n'y a pas d'excuse là-dedans. Mais concernant ce qui est des actes et des jugements et des sentences concernant les actes, même s'il a beaucoup d'erreurs, ils ne vont pas le rendre innovateur. Mais il ne vaut pas non plus se taire sur son erreur. Hada, c'est clair et net. Yaqoul al-Sheikh Rabi Havidallah, wa yumkinu al-tawfiqu bain hadain al-qawlain bian yuhmala kalamu Sheikh al-Islam. Ibn Taymiyyah ala i'dal al-mujtahidin alladhina yaqa'u al-khata'u minhum fi al-usul allati takhfa ala ba'd ahli al-ilm. ويحمل كلام ابن أبي زيد على من يضلون في الأمور الواضحة كالقول بخلق القرآن والقول بإنكار القدر والقول بإنكار رؤية المؤمنين لله في الدار الآخرة ونحو ذلك. Il dit, et on peut faire, Cheikh Rabi حفظه الله تعالى, te montre comment salaf, et regarde, ceux qui suivent salaf, comment ils font la concordance entre les paroles des hommes de science et de leurs plus prédécesseurs, d'Allah alayhi. Il dit, et on peut concorder entre les deux paroles. Hein? C'est-à-dire la parole d'Abi Zayd al-Qalawani, rahimahullah, et la parole de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah. Dans le fait de trouver l'excuse à celui qui est digne dans l'effort d'interprétation quand il tombe dans une erreur concernant un fondement qui est subtil, que peu de sciences connaissent, ou là il est caché à beaucoup d'hommes de science. Il a dit, dans ces cas-là, on porte, hein, la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, dont cette excuse à celui-là, à ce niveau-là, concernant ce fondement qui est subtil, que peu d'hommes de science captent. Il dit, on porte la parole de Ibn Abi Zayd al-Qalawani, rahimahullah, hein, sur le fait de ceux qui s'égarent, ceux qui ont digne de l'effort d'interprétation, qui s'égarent dans des choses qui sont claires, comme le fait de dire le Coran et l'écrit, comme le fait de ne pas reconnaître le destin, comme le fait de ne pas reconnaître que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà, et ainsi de suite. Tu vois un petit peu la clairvoyance donnée aux hommes de science. Il y a ceux qui suivent la voie de leurs plus prédécesseurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de leur clairvoyance et de leur science. يقول الشيخ ربيع لا يجوز توسيع دائرة الاجتهاد والمجتهدين فالاجتهاد له أهله وله شروطه. Et Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, le grand imam, le père de cette jeunesse, et le digne du conseil pour les musulmans à travers le monde, il dit, il n'est pas permis d'élargir le cercle de l'effort de l'interprétation et de ceux qui en sont dignes. Car l'effort de l'interprétation, il a ses hommes. Et il a ses conditions aussi. Il dit, on bat la passe, fait partie des conditions de ceux qui, de celui qui est digne de l'effort de l'interprétation, c'est qu'il capte le but des lois à partir du livre d'Allah et de la sunna et du consensus et de l'analogie, ainsi de suite. Et il doit connaître la parole qui est à mettre en avant quand il y a une contradiction dans une situation. Et il doit savoir mettre ce qui doit être mis en avant et ce qui doit être mis en arrière, comme le fait de mettre le texte avant l'analogie. Et il doit avoir la science de l'abrogé et de l'abrogeant. Et il doit avoir la science des points sur lesquels il y a le consensus et le point sur lequel il y a la divergence. Et il est obligatoire pour lui de connaître le général, les textes généraux, le général, le particulier, le sens large du terme, le sens conditionné, le texte, hein, et l'apparent du texte, et le texte qui a été interprété, le général, le détaillé, le prononcé, la définition, le compris, hein, ce qui est clair, ce qui est ambigu. Et la dignité est une des conditions pour accepter sa fatwa. Et ceci, Cheikh Rabi, il le ramène dans Usul al-Fiqh de Mudhakkirat Usul al-Fiqh ala Rawdat al-Nadhir de son éminence, Shanqiti Rahimahullah. يقول الشيخ ربيع فهل يعدل من المجتهدين من ينافح عن أهل الضلالات الكبرى ويؤصل للدفاع عن أصولا باطلة ويحارب أهل السنة ويسقط علماءهم انتصارا لأهل تلك الضلالات الكبرى ويشهد لأهل تلك الضلالات أنهم من أهل السنة ويرمي أهل السنة المنافحين عن الإسلام وعقائده ومناهجه بأنهم غلاة وشذاذ وغثاء فهذا الصنف عند أهل الحق والإنصاف والبصيرة من أهل الضلال والهوى واجتهاد منه إنما هو في المحاماة عن أهل الضلال وفي نصرة الأباطيل وفي حرب أهل السنة إلدي حفظه الله تعالى إسكو مانتنو va être excusé parmi ceux qui font des efforts d'interprétation et qui défendent les gens des grands égarements et qui émettent et instaurent et inventent des règles pour défendre les fondements fausses et pour combattre les gens de la sunna et pour faire tomber les gens de la sunna et pour faire triompher les gens de l'égarement, des grands égarements. Et il atteste pour les gens de l'égarement comme quoi ils font partie des gens de la sunna. Et il désigne les gens de la sunna qui défendent l'islam et les croyances authentiques et la voix authentique comme quoi ce sont des extrémistes, ce sont des marginaux, ce sont des brindis qui n'ont aucun poids. Il dit, Hafidhahullah, cette catégorie chez les gens de la vérité et de la justice et de la clairvoyance, ce sont des gens de l'égarement qui suivent leur passion. Et leurs efforts d'interprétation sont tout simplement des efforts pour défendre les gens de l'égarement et pour faire triompher le faux et pour combattre les gens de la sunna. يقول وقد أظهر الله ضلالاتهم وفتنهم لأهل البصائر والإنصاف الذين يهدون الناس بالحق وبه يعدلون. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala a fait apparaître leur égarement, leur fitna. Allah subhanahu wa ta'ala fait apparaître l'égarement de ceux-là et leur fitna aux gens qui sont doués de clairvoyance et de justice. Ceux qui aident les gens à prendre la voie de la vérité et qui se conditionnent pour la vérité et qui conditionnent les gens et qui les orientent vers la vérité et qui mettent en application la vérité. يقول الشيخ ربيع حفظه الله: ونسأل الله أن يرزقهم توبة النصوح والرجوع إلى منهج السلف علما وعملا، أو يظهر باطلهم وضلالاتهم وفتنهم للغافلين والمتغافلين والمهملين. الشيخ ربيع de faire dua pour ceux qui attisent la fitna. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la tauba sincère et qu'il revient à la voie du pieux prédécesseur au niveau de leur science, au niveau de leurs œuvres, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse apparaître leur faux et leurs égarements et leurs fitna à ceux qui ne la voient pas, et aux insensés et ceux qui sont négligents. يقول الشيخ ربيع: أما حديثك عن المناصحة ورجوع المنصوح أو عدم رجوعه فأؤكد لك أن هذا الصنف الذين فعلوا الأفاعيل ودافعوا على أهل الضلالات والأباطيل إلى آخر بلاياهم فإنهم قد نوصحوا، وأنا شخصيا ناصحتهم على امتداد سنوات طويلة، ونصحوا من علماء السنة مرارا وتكرارا، فما يزدادون إلا عتوا واستكبارا واستخفافا بهؤلاء العلماء وطلابهم. Et il dit à Cheikh Ibrahim al-Ruhayli, Cheikh Rabi' lui dit, quand il parle du conseil et du retour de celui qui a reçu le conseil ou du fait qu'il ne revient pas, je te confirme que ce genre, que cette catégorie qui ont fait ces actes, qui ont attisé cette fitna et qui défendent les gens de l'égarement et qui défendent le faux et jusqu'à ce qu'ils font et beaucoup de choses qu'ils font, ils ont été conseillés. Il lui dit, moi personnellement, je les ai conseillés pendant plusieurs années. Ils ont été conseillés par d'autres hommes de science plusieurs fois. Et le conseil a été répété, répété, répété. Et ça ne le fait que se remplir d'orgueil encore plus. Et de rabaisser ces hommes de science et leurs étudiants. Et de rabaisser ceux qui leur prodiguent le conseil, ainsi que leurs étudiants. Il n'y a qu'à voir. Si tu ne sais pas, il n'y a qu'à voir ce qui s'écrit dans Kul Salafiyin, qui est plutôt Kul Khalafiyin. يقول الشيخ ربيع: وأرجو أن تغير أسلوبك في الاعتذارات التي لا مكان لها عند سلف الأمة إذا كانت هذه الأعذار مثل من ذكرنا، لأمثال من ذكرنا أوصافهم ومواقفهم. ولو كان سلف الأمة يعتذرون بمثل هذه الأعذار لما بدعوا الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم أفراد وجماعات، ولما ألفوا المؤلفات في بيان حالهم وضلالاتهم. الشيخ ربيع دي لوي دير: Et j'espère que tu vas changer ton style dans le fait de ramener des excuses qui n'ont pas de place chez les pieux prédécesseurs de cette communauté. Surtout quand ces excuses concernent ceux dont je viens de te décrire leur position et te donner leur description. Il dit, c'est les pieux prédécesseurs chercher des excuses à ce genre de personnes. Ils n'auraient pas rendu Mubtadi' al-Jahmiya, ni Mu'tazila, ni Khawarij, ni Murji'a, ni d'autres individus, ni les groupes. Ils n'auront pas écrit les livres qu'ils ont écrits pour éclairer la situation et l'égarement de ces gens-là. Yaqoul, ولو كانت تدور بأذهانهم هذه الأعذار لما بدعوا مثل الحارث المحاسبي وحسين الكرابسي ويعقوب بن شيبة وأمثالهم، وأصلهم من أهل الحديث ومن علمائهم ومن أهل المنازل فيهم، وهم خير وأعلم وأحق بوصف الاجتهاد ممن تعتذر لهم وتحرص على بقائهم في دائرة أهل السنة المجتهدين. يكوت سكوا Comme quoi, il faut qu'on se penche sur la biographie de nos plus prédécesseurs, Ridwanallah alayhim, pour comprendre. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde, Cheikh Rabi, qui va chercher dans les profondeurs des livres, des biographies des nobles plus prédécesseurs pour nous sortir ces trésors. Et il dit, Habidallah ta'ala, si ce genre d'excuses tournait dans l'esprit des plus prédécesseurs, ils n'auraient pas rendu innovateur le Harik al-Muhasibi, وحسين الكرابسي ويعقوب بن شيبة leur similaire, alors que ces gens-là qui viennent de citer, leur fondement leur origine. Ils font partie des gens du hadith et des hommes de science. Ils avaient une grande place dans les, parmi les hommes de science. Ils sont mieux. Ils ont plus de science et ils méritent plus la description de digne de l'effort d'interprétation que ceux pour lesquels tu cherches des excuses et tu tiens à les laisser dans le cercle des gens de la sunna et dans le cercle des, de ceux qui sont dignes de l'effort d'interprétation. Regarde, akhal islam, pour que tu cherches, frère en Allah, azza wa jal, que la vie de nos pieux prédécesseurs, il est là. Et il y a des témoignages. Et que, dans tout ce qu'avance Cheikh Rabi' jusqu'à maintenant, il nous a cité les positions des pieux prédécesseurs, ridwanullah alayhim. Et comment ils étaient fermes, comment ils étaient durs. Et comment, hein, malgré tout ça, en sachant tout ça, comment Cheikh Rabi' était hein, long dans le conseil. Et très doux dans son langage. Et il n'a pas utilisé ce qui a été utilisé vis-à-vis des anciens. Et malgré tout ça, il n'a pas utilisé les moyens et les expressions qu'ont utilisé les anciens pieux prédécesseurs. Et malgré tout ça, on dit de lui qu'il est extrémiste, qu'il est ceci, qu'il est marginal, qu'il est tout seul et ainsi de suite. Hein? Sois éveillé à l'islam. Sois éveillé, barakallahu fik. Donne pas tes oreilles, ton cœur à n'importe quoi. Et à n'importe qui, barakallahu fik, préserve ton bas-monde et ton au-delà. يقول الشيخ ربيع وما ذنب الحارث المحاسب وامثاله الا انهم حصلت لهم شبهه فيقول احدهم لا افضي بالقران مخلوق فلم ينتحلوا لهم الاعذار ولم يشفع لهم عند اهل السنه انهم مبرزون في الحديث والفقه والاجتهاد هذا مع زهد الحارث وتاليفه في الزهد ومع مكانه الاخيرين ومنزلتهما العلميه. Il dit c'est quoi le péché de l'harith al-muhasib, ici similaire. Il leur est arrivé tout simplement une choubha, une ambiguïté. Un parmi eux disait que mon expression avec le Coran, elle est créée. Et les pieux prédécesseurs ne leur ont pas cherché des excuses. Et ils n'avaient aucune chose qui leur a intercédé chez les gens de la sunna. Alors qu'ils étaient hein, apparents hein, dans le hadith, ils avaient des efforts dans le hadith, dans la jurisprudence, Et avec ça, le harith était un zahid. Et ses livres et ses écrits dans Zuhd sont nombreux. Et aussi, les deux autres cités ont une grande place scientifique. Et malgré tout ça, ça n'a pas empêché hein, les pieux prédécesseurs de décréter qu'ils étaient des innovateurs. وهاك نبذة من أحكام العلماء على أولئك المذكورين. Et voit maintenant, hein, dans le recueil de nos pieux prédécesseurs, ce que tu cites, Cheikh Rabi', hein, certaines sentences qui ont été émises contre ces gens-là. قال الذهبي في ميزان الاعتدال خلال ترجمته للحارث المحاسبي. قال الحافظ سعيد بن عمرو البردعي شهدت أبا زرعة وقد سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وضلالات عليك بالأطر فإنك تجد فيه ما يغنيك قيل له في هذه الكتب عبرة فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة بلغكم أن سفيان ومالكا والأوزاع صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, il nous cite les paroles de l'imam Dhahabi dans Mizan al-I'tidal, quand il a parlé de la biographie du Harith al-Muhasibi. Et il dit, Al-Hafid Saïd ibn Amr al-Bardaï, il a dit, j'étais chez Abu Zar'a au moment où il a questionné sur le Harith al-Muhasibi, les livres du Harith al-Muhasibi. Celui qui a posé la question, il a dit à celui qui a posé la question sur le Muhasibi, ses livres, il dit, attention à ces livres! Ce sont des livres de l'égarement, ce sont les livres de l'innovation. Va chercher les livres de la preuve, et dans les livres de la preuve, c'est-à-dire les gens du hadith, hein, il y a quelque chose qui va te suffire. Il lui a été dit à Abu Zar'a, mais dans ces livres, c'est-à-dire dans les livres d'Al Muhasibi, il y a des leçons à retenir, il y a des choses qui attirent l'attention. Il a dit, celui qui ne trouve pas des choses qui attirent son attention et des leçons à retenir, hein, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas de leçons Hein? Et il n'y aura pas des choses à retenir dans les autres livres. Est-ce qu'il vous a été, il est venu à vos oreilles ou il vous a été transmis que Sufyan, ainsi que Malik, ainsi que l'Aouzari, ils ont écrit des livres dans les pensées et dans le Wasawis. Il dit combien les gens courent vers les innovations. Regarde comment il a parlé de l'Harith al-Muhasibi de ses livres. Et comment il a averti de ses livres. Et regarde comment il a dit, à celui qui s'est opposé lui a dit, mais les livres d'Al-Muhasibi, il y a des leçons, il y a des exhortations, etc. Il lui a dit, attends. Comment les gens se précipitent vers les innovations? Est-ce que Salaf comme Soufiane, Malik et Laouzaï, ils ont écrit ce genre de livres qui concerne le Wassa ou c'est le Khatarat? Yaqoul. والكلام للذهبي في ميزان الاعتدال مات الحارث سنة 43 و200 وين مثل الحارث فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب وين مثل القوت كيف لو رأى بهجة الأسرار لابن جهضم وحقائق التفسير للسلمي لطار لبه كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على أكثرة ما في الإحياء من الموضوعات كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر كيف لو رأى فصوص الحكم والفتوحات المكية بلى لما كان الحارث لسان القوم في ذلك العصر كان معاصر 1000 إمام في الحديث فيهم مثل أحمد بن حنبل وابن راهوية ولما صار أئمة الحديث مثل ابن الدخميسي وابن شحانة كان قطب العارفين كصاحب الفصوص وابن سفيان نسأل الله العفو والمسامحة آمين il dit toujours les paroles d'Abi dans Mizan l'Ihtidal il dit الحارث المحاسبي mort en l'an 243 de l'Hégire. Et où sont les séminaires de l'Harith al-Muhasibi? Il dit comment si Abu Zar'a avait vu les écrits des derniers comme le Qout li Abi Talib et où il y a un livre similaire à le Qout, comment si il avait vu Bahjat al-Asrar l'Ibn Jahm ou Haqaq et la réalité de l'interprétation du Sulami, sa raison va s'envoler. Comment si il avait vu les écrits d'Abi Hamid Tosi dans tout ça et avec le grand nombre de hadiths inventés qu'il y a dans l'Ihya, comment si il avait vu le ghunya du Cheikh Abdel Qadr, comment si il avait vu le Fosous al-Hikam al-Futuhat al-Makkiya, et en plus de ça il dit que le Harith était un homme de science de son époque et à son époque ses contemporains c'était 1000 hommes des imams du hadith comme Ahmed ibn Hanbal, comme Ibn Rahawiya. Et comme les imams du hadith sont devenus comme Ibn Dakhmisi ou Ibn Shuhana, donc le pivot des connaisseurs était Sahib al-Fusus, qui Ibn Arabi al-Nakir hada, Ibn Sufyan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. آمين يقول الشيخ ربيع عقول كيف لو رأى أبو زرعة والذهبي وغيرهما من أعلام السنة مؤلفات سيد قطب التي فيها وحدة الوجود ووحدة الأديان وحرية التدين تلك الكتب التي يشيد بها عدنان عرعور ويدافع عن صاحبها أبو الحسن المأربي ويحميها ويزكيها علي حسن الحلبي إي الشيخ ربيع التي غير نتخط سنجيري جودي Comment si Abu Zar'a, l'imam Dahabi et d'autres parmi les emblèmes de la Sunna ont vu les livres de Sayyid Qutb, dans lesquels il y a la propagation de l'unicité de l'existence, où il parle de l'unicité des religions, la liberté de religion, chacun prend la religion ce qu'il veut, ces livres, de laquelle parlons bien, Adnan al-Aur, et il défend ceux qui les ont écrits. Abu al-Hassan al-Ma'ribi défend Sayyid Qutb, qui a écrit ses livres, et protège ses livres, et fait l'éloge de ses livres, et protège ses hommes, et fait leurs éloges à Ali Hassan. C'est-à-dire, Adnan al-Aur fait les éloges des livres de Sayyid Qutb, ainsi qu'Abu al-Hassan al-Ma'ribi, et Ali Hassan, il défend Adnan al-Aur et Abu al-Hassan. Qui défendent ces livres, dans lesquels il y a ces ambiguïtés. كيف لو رأوا دفاع بالحسن عن دعاة وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان؟ Comment maintenant c'est Abu Zar'a, Imam Tahabi, s'ils avaient vu comment Abul Hassan il défend les prêcheurs qui appellent vers l'unicité des religions, vers la liberté des religions, vers la fraternité des religions. كيف لو رأوا إشادة علي علي الحلبي برسالة تضمنت وحدة الأديان وأخوة وحرية الأديان وضلالة أخرى ويرى أن هذه من المضامين هذه المضامين شرح للإسلام وبيان لوسطيته. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, comment ces imams avaient vu comment Ali Hassan il fait les éloges de cette risala de Amman, dans laquelle il continue l'unicité de la religion, des religions, la fraternité des religions, la liberté des religions et d'autres grands égarements. Il voit que ce qui est contenu dans cette risala, c'est ce qui explique l'islam et qui montre le juste milieu de l'islam. كيف لو رأوا دفاع هؤلاء عن أهل البدع واعتبارهم من أهل السنة؟ Comment si nos pieux prédécesseurs ils ont vu comment cela défend les gens de l'innovation et les considèrent comme les gens de la سنة؟ كيف لو رأوا حرب هؤلاء إلى أهل السنة وصفهم لهم بالغلو وبأنهم شذاذ وخوارج إلى آخره؟ Comment si ils avaient vu que ces imams avaient vu comment ceux-là combattent les gens de la Sunna et ils les décrivent comme quoi ce sont des extrémistes et comme quoi ce sont des marginaux et comme quoi ce sont des khawarij. كيف لو رأوا تأصيلهم للدفاع عن الباطل ولحرب أهل السنة؟ Comment si ils avaient vu les règles que ceux-là émettent pour défendre le faux et pour combattre les gens de la Sunna? Qu'est-ce qu'ils vont dire? وقال الذهبي في ميزان الاعتدال الحسين بن علي الكرابيسي الفقيه سمع إسحاق الأزرق ومع ابن عيسى وشبابه وطبقتهم وعنه عبيد بن محمد البزار ومحمد بن علي فاستقه وله تصانيف قال الأزدي ساقط لا يرجع إلى قوله. Regarde ce qu'on rapporte d'Abi dans Mizan al-Atidal. Il dit de Hussein ibn Ali al-Karabis al-Faqih. Il a entendu de Ishaq al-Azraq et de Ma'an ibn Isa et de Shababa et de leur génération. Et ont entendu de Ali al-Karabisi Ubayd ibn Muhammad al-Bazzar et Muhammad ibn Ali Fastaqa. Et il a des écrits, il a des livres. L'Azdi a dit, cet homme, il est au bas, il est en bas, il ne faut pas revenir à ses paroles. Pourtant, c'est un faqih. Où sont les Ali Hassan, les Abu Hassan, les Adnan Al-Aur de ceux-là, dans leur science? Et regarde, l'Azdi, ce qu'il dit, non, Hadak, il est saqit. Il est par terre. Il ne faut pas revenir à ses paroles. وقال الخطيب حديثه يعز جدا لأن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ وهو أيضا كان يتكلم في أحمد فتجنب الناس الأخذ عنه ولما بلغ يحيى بن معين أنه يتكلم في أحمد لعنه وقال ما أحوجه إلى أن يضرم. الخطيب يدير الحديث الكرابيسي إفوه من لبطخي إلى دي من إمام أحمد parler sur le calabre ici à cause du fait de l'expression. On dit que mon expression avec le Coran il est créé. Et aussi le calabre ici parler sur l'imam Ahmed. Et les gens ont évité le calabre ici parce qu'il a parlé sur l'imam Ahmed. Et quand Yahna ibn Ma'in, il lui a été transmis que le calabre ici parlait sur l'imam Ahmed, il l'a maudit. Il a dit, Yahya ibn Ma'in a dit, il a besoin d'être frappé, d'être éduqué. Il a dit de qui? Hussein ibn Ali al-Karabisi. يقول وقد سمع الكرابيسي من معن ابن عيسى والطبقة وكان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولفظي به مخلوق فإن عن التلفظ فهذا جيد فإن أفعالنا مخلوقة وإن قصد الملفوظ بأنه مخلوق فهذا الذي أنكره أحمد والسلف وعدوه تجهما ومقت الناس حسينا لكونه تكلم في أحمد مات سنة 45 و200. Le Karabisi a entendu du Ma'an ibn Isa et de leur génération. Mais le Karabisi disait que le Coran, c'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Mais mon expression avec le Coran, il est créé. S'il veut dire par ça, son expression à lui avec le Coran, ceci est bon. Car nos actes sont créés. Mais s'il veut dire que ce qui est prononcé est créé, C'est-à-dire le Coran prononcé et crié, c'est ça qu'ont blâmé Salaf, l'imam Ahmed et d'autres, ils ont considéré ça comme du tajahum. Et Nas, ils ont pris en digo Hussein Hada al-Karabisi. Parce qu'il a parlé sur l'imam Ahmed. Et il est mort en l'an 245. Quand il dit les gens, ils ont de science. Hein? Et les autres aussi, le commun aussi. Hein? Ils ont suivi dans tout ça. وقال الذهبي رحمه الله في سيار علم النبلاء خلال ترجمة ليعقوب بن شيبة قال أحمد بن كامل القاضي كان يعقوب من بن شيبة من كبار أصحاب أحمد بن المعدل والحارث بن مسكين فقيها سريا فقيها سريا وكان يقف في القرآن الذهبي دديغ رحمه الله في سيار علم النبلاء au moment où il a parlé de la biographie de Yaqub ibn Shayba, il a dit, Ahmed ibn Kamil, Qadi, a dit que Yaqub ibn Shayba était parmi les grands compagnons de Ahmed ibn Mu'addal et de l'Harith ibn Miskin. Il était faqih, mais il avait une mauvaise position concernant le Coran. Il dit qu'il n'est ni créé, ni pas créé. Hein? قلت أخذ الوقفة عن شيخه أحمد المذكور. وقد وقف علي بن الجعد ومصعب الزبيري وإسحاق بن أبي إسرائيل وجماعة وخالفهم نحو من ألف إمام بل سائر أئمة السلف والخلف على نفي الخليقة عن القرآن وتكفير الجهمية نسأل الله السلامة في الدين الشيخ الإمام الذهبي رحمة الله الذي إلى بخي cette mauvaise position concernant le Coran de son cheikh Ahmed المذكور أعلى c'est-à-dire Ahmed بن المعدل Et d'autres ont pris cette mauvaise position comme Ali ibn al-Ja'd, ou Mas'ab ibn al-Zubayri, ou Ishaq ibn Abi Israël, et un groupe. Et ont été en divergence avec eux plus de 1000 imams. Sinon tous les imams parmi Salaf et ceux qui leur ont succédé sont sur le fait de dire que le Coran n'est pas une créature. Et sur le fait de rendre mécréant le Jahmiya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve la religion. قال أبو بكر المروذي أظهر يعقوب بن شيبة الوقف في ذلك الجانب من بغداد فحضر أبو عبد الله منه وكان المتوكل أمر عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أن يسأل أحمد بن حنبل عمن يقلد القضاء قال عبد الرحمن فسألته عن يعقوب بن شيبة فقال مبتدع صاحب هوى قال الخطيب وصفه أحمد بذلك لأجل الوقف Abu Qa, et toujours les paroles sont là, sont citées de l'imam Dhabi, il a dit Qala Abu Bakr al-Marrudi que Yaqub ibn Shayba a fait apparaître cette mauvaise position qui est le fait ni le Coran n'est créé, ni c'est une créature, ni il n'est pas créé. Et il a fait apparaître cette position dans l'un des côtés de Baghdad. Et Abu Abdillah, l'imam Ahmed, a averti contre lui. Il mutawakkil qui était le calife a ordonné à Abdelrahman ibn Haya ibn Khaqan de demander à l'imam Ahmed à qui il doit donner le jugement, c'est-à-dire le qada, le poste de juge. Abdelrahman, il est parti voir l'imam Ahmed, il lui a posé des questions sur Yaqub ibn Shayba. Il lui a dit, c'est un mubtadi' qui suit ses passions. Le khatib a dit, l'imam Ahmed l'a dit créé ainsi à cause de sa mauvaise position concernant la croyance dans le Coran. يقول الشيخ ربيع فكيف لو رأوا هؤلاء الذين يؤصلون الأصول للدفاع عن معطلة صفات الله وعن أهل وحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان الشيخ ربيع ده تغير notre attention. Il dit maintenant si ses pieux prédécesseurs ont vu ceux qui instaurent des règles pour défendre ceux qui dépouillent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur signification et qui défendent ceux qui dépouillent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala de leur signification et qui instaurent des règles pour défendre les gens de l'unicité des religions, de la liberté des religions, de la fraternité des religions. يقول فانظر هذا هداك الله للبون الشاسع بين مقرراتك في هذه النصيحة وبين منهج السلف الصالح في الانتصار لدين الله وحمايته وإهانة أهل الباطل والأحكام الصادعة بتبديعهم. الشيخ ربيع ده تغير التوصيل دو الشيخ إبراهيم الروحيلي دي لدي هجافك الله سبحانه وتعالى تجيد تدل لغيدانس لإنورم ديفيرانس qu'il y a entre ce que tu confirmes dans ta nasiha et la voix du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Comment les pieux prédécesseurs faisaient triompher la religion et protégeaient la religion du rabaissement des gens du faux, et comment ils déclaraient haut et fort leurs innovations, et comment ils décrétaient le fait comme quoi ils étaient innovateurs. Et donc, frère en Allah, Sawajal, en résumé, tu vois que Cheikh Rabi, Hafidhahullah Ta'ala, nous a montré ici que le but du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, concernant la division entre les sujets qui disent l'usul et les sujets des tfourou', fondements et branches, il dit, ça c'est une division, la division des gens de l'innovation qui font ceci pour rendre innovateurs tout simplement ceux qui s'égarent dans les fondements ou de le rendre mécréant tout simplement quand il concerne les fondements, que ceci est une division des gens de l'innovation qui est blâmable. Il nous a montré aussi que le fait de désigner les fondements, c'est-à-dire tout ce qui concerne les croyances et les actes, dit que ceci, il est confirmé du Cheikh l'Islam du Taimiyya et d'autres hommes de science de différentes écoles de jurisprudence. Il désigne les croyances par les fondements, le sujet des fondements, et les autres, tout ce qui concerne salat, zakat et ainsi de suite, et les actes, il désigne le furu'. Ceci voulu. Mais ce qui est blâmable, c'est que quand le Mouftadi'a, ils font la différence et ils disent, quand quelqu'un fait une erreur d'interprétation, une erreur concernant le furu', il n'est pas égaré. Et que tout simplement il est égaré dans celui qui tombe dans une divergence avec les fondements dont, qui fait des erreurs dans les fondements. Au pluriel comme ça. Et donc c'est sur ça que a attiré notre attention Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, et il nous a transmis les paroles d'Abi Zayd al-Qarawani et la règle que dans l'excuse, dans l'effort d'interprétation, et il nous a montré que l'œuvre du Salaf appuie la voix et la parole qu'a dit Abi Zayd al-Qarawani, et Cheikh Rabi a concordé entre les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'Abi Zayd al-Qarawani, et nous a montré aussi Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala nous a montré comme quoi il n'est pas permis d'élargir le cercle de l'effort d'interprétation et le cercle de ceux qui sont dignes de l'effort d'interprétation aux gens de l'innovation, qui défendent les gens de l'innovation et qui défendent les gens des grandes innovations et qui font des fondements, des faux fondements. Car celui-là, ceux-là, ce sont des dignes de l'effort d'interprétation dans le faux. Et il nous a montré que ceux-là qui défendent les gens de l'innovation et qui y mettent des règles et des fondements pour le faux ont été conseillés par les gens de la Sunna et par Cheikh Rabi lui-même. Et aussi Cheikh Rabi nous a cité certains exemples parmi des gens que les imams ont rendu innovateurs qu'alors qu'ils avaient plus de science que ceux pour lesquels Dr Ibrahim Rouhaili cherche des excuses. Et Cheikh Rabi d'attirer notre attention en posant cette question. Comment c'est les imams de la Sunna voient ceux qui prétendent la salafia défendre l'unicité l'unicité des religions et la fraternité des religions et les autres égarements. Et Cheikh Rabi nous a montré que le fossé est très grand entre salaf Et ce qu'a confirmé Dr. Ibrahim al-Ruhayli dans sa nasiha, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il oriente Dr. Ibrahim al-Ruhayli dans la bonne voie, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense Cheikh Rabi hafidhahullah ta'ala, en lui donnant le Firdaus al-A'la, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de sa science et de ses éclaircissements, et qu'il nous fasse que cet homme de science, que Allah subhanahu wa ta'ala lance sa vie dans son obéissance et dans la défense de cette voie et dans la défense de la vérité. Wa akhiru du'ana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu likum wa jazakumullahu khairan.